Alors, le tableau 1 est très simple. Nous avons vu qu'il faut mettre en relation des artistes et des commerciaux pour que les artistes vendent beaucoup plus d'artistes qui vendent beaucoup plus d'œuvres et beaucoup plus de commerciaux. Là, 2500 commerciaux, c'est une force de vente incroyable puisque ça représente 250 000 clients potentiels par mois. Néanmoins, 2500 clients commerciaux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur le marché. Ça, il faut le savoir. Donc, en termes de quantité de vente, en utilisant les méthodes de la haute finance pour vendre de l'art, ça ira très, très, très, très vite. Okay? De plus, je l'ai répété, les commerciaux sont dans la panade actuellement, ce qui est la situation habituelle des artistes. Donc, là, il y a une convergence qui fait en sorte qu'ensemble, ils peuvent travailler. Donc ici, dans le tableau numéro 1, vous voyez, il y a écrit nombre de tableaux dans le stock. Je demande à l'artiste, alors je vais vous faire le recrutement en live. Donc bonjour cher artiste, tu as combien de tableaux en stock? Il me dit, bon, une dizaine, s'il y en a une dizaine. Combien est le prix moyen? 3 500 euros. Et alors je lui pose la question, combien tu peux faire de tableaux par mois? Alors là, il me dit en l'occurrence 50. Ce qui fait en tout, ces 10 œuvres plus les 50 euros par mois pendant un an, ça fait 610 œuvres. Un artiste est capable de créer ça. Alors si c'est un artiste très pointilleux, qui fait des tableaux très lents, il ne peut pas en faire 50 par mois. Mais par contre, il peut faire une série spécifique, un peu rapide, commercialisable. Et je pense qu'au début, mais c'est pas certain, on travaillera sur les stocks des artistes dans un second temps, tout en les proposant, les artistes, les tableaux qu'ils ont fait, mais on proposera une collection particulière et nouvelle. Un format, un seul format pour tous les artistes, un délai 50 tableaux par mois, et une grande collection. Alors vous avez l'école de Nice, les surréalistes, les dadaïstes, etc., qui tous se basent toujours, non pas sur un support unique, mais sur un courant de pensée ou pictural. Et d'ailleurs, le courant pictural souvent rejoint un courant de pensée. Ici, évidemment, jouons la carte de l'histoire de l'art, jouons la carte de la spécificité et de la rareté, en disant, voilà, cette collection est une collection significative dans l'histoire de l'art, tout simplement, pourquoi? Parce qu'elle est définie selon un sens. En l'occurrence, ici, c'est la spéculation éthique artistique. Quelque chose de totalement nouveau, pendant que la spéculation artistique la plus délirante et la plus folle et la plus insensée parfois est en plein boom. Je pense que c'est le moment justement d'offrir un pendant sain, quelque chose de réfléchi en tout cas. Et tous les artistes qui feront partie de cette collection des 50 œuvres par mois, c'est à définir encore. Des 50 œuvres par mois, donc créeront à chaque fois qu'ils créent une œuvre, c'est comme s'ils étaient chez les surréalistes et qu'ils créaient selon un manifeste. Alors moi, je trouve que le manifeste uniquement de la spéculation éthique est un peu faible, même s'il est suffisant, il est un peu faible. Et Elie Wiesel dit toujours. Écrire un roman, c'est élever plus haut l'intelligence et pousser plus profondément les sentiments. Pousser plus profondément les sentiments. Je pense que avec cette ligne directrice quasiment de samouraï, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Alors pour ça, j'ai demandé à Mathieu Tremblain, François, et je vais demander à beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes de définir pour eux. Un manifeste et que les choses s'imbriquent et qu'à terme on ait une vraie réflexion d'ailleurs une vraie réflexion sur qu'est-ce que vendre, qu'est-ce qu'être artiste, qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce que être collectionneur, c'est quoi tout ça, voyez? C'est vraiment, on n'est pas dans l'art qui va parler de l'art, mais l'art qui va parler du procédé de vente afin que tout soit sain. Comment ça se passe aujourd'hui? Bon, passons. Alors, comme nous le voyons dans le tableau, 610 œuvres par an à 3 500 euros, On voit tout de suite qu'un artiste est un prodigieux outil de création de valeur. Prenez n'importe quel artiste qui travaille sur ce rythme-là, ben, on le voit là dans le tableau, dans le stock, il vaut 2 135 000 euros. Voilà. Il crée pour 2 135 000 euros en un an. Et tous les artistes sont pourtant ORMI, RSA, petit boulot à droite à gauche, ou boulot bien payé mais pas du tout dans l'art, d'accord? Et pourtant, avec leurs mains, ils sont capables de créer 2 135 000 euros par an de valeur. Alors, comment ça marche classiquement? Quand on a ça, on va voir un galeriste. Le galeriste prend 40%, l'artiste prend 60%. Sur un tableau à 3 500 euros, le galeriste a 1 400 euros et l'artiste a 2 100 euros. Donc ça veut dire que par an, l'artiste gagne 1 280 000 euros et le galeriste gagne 854 000 euros. Or, aucun galeriste n'est capable de vous vendre les 610 œuvres par an. Aucun. Si vous en connaissez un, ben dites-moi l'adresse et on arrête tout de suite et on envoie tous les artistes qu'on connaît. Or, s'il est capable pour un, il est pas capable pour deux, pour trois, pour quatre, pour cinq. À un moment donné, il va être limité. Nous, on n'est pas du tout limité. Par contre, tout est là. Et là, là, c'est pour ça que je pense que c'est un document interne et pas un document public, tout simplement parce qu'il faut convaincre l'artiste de faire des efforts. Alors, je vais vous dire l'effort que doit faire l'artiste, et l'artiste, immédiatement, son premier réflexe va être de dire c'est scandaleux. Et l'artiste sera très bête de dire ça. Très très bête. Vous verrez pourquoi. Alors donc, reprenons la même base. On a vu avec un galeriste, l'artiste peut gagner 1 280 000, mais c'est fantasque. C'est un fantasme qui n'arrive jamais, sauf pour les artistes qui marchent jamais, qui n'ont pas tant que ça besoin de hard valor. J'allais dire Dark Vador, dis donc. Pas du tout, c'est l'inverse, c'est plutôt Yoda, le but du projet. Je vais me faire une clope en même temps, ce qui va baisser mon énergie, mais ce n'est pas grave, car je pourrais continuer. Alors, donc, l'artiste gagne 1 000 000 avec 40% pour le galeriste. Moi, je propose différemment. Pareil. L'artiste fait 50 toiles l'artiste fait 50 toiles par mois pour nous. On lui fournit les feuilles, on lui fournit le matériel s'il veut. Il fournit les toiles, on fournit le cadre aussi. Il a juste à créer les œuvres. 50 par mois. Peut-être même on pourra travailler tous, plein d'artistes, vous vous rendez compte, sur un thème. Ça veut dire que chaque mois, on aura une collection nouvelle qui s'inscrit dans l'histoire de l'art. C'est immense. C'est-à-dire que quand vous mettez 1 000, enfin 100 ou 1 000 artistes sur un même thème, le même mois, et ben dans l'histoire de l'art, vous pouvez le notifier. De facto. De facto. Après, les magazines acceptent ou pas d'en parler. De facto, c'est notifié dans l'histoire de l'art. Ben, ça existe. Et puis ça fait beaucoup d'œuvres, hein, parce que puisque ça fait 610 œuvres par an pour un seul artiste, pour 1 000 artistes, on est déjà à 61 000. 61 000. Attendez. Pour 1 000 artistes, 610 000 œuvres. Donc, au bout d'un an, déjà, la collection, c'est 610 000 œuvres. Elle a déjà une prise dans le marché de l'art. Et tout, j'y tiens, tous les artistes diront, on fait ça à la fois parce que ça nous aide à nous en sortir beaucoup mieux qu'avant, et c'est un nouveau format très puissant, mais aussi et surtout pour dire aux autres qu'ils avaient oublié de penser à nous. Et qu'ils avaient oublié d'inventer un système pour nous autre que la cave des artistes ou le chaume-du, ou je me mets à genoux devant le galeriste pour qu'il m'expose une fois tous les 40 ans sans vendre mes toiles. Voyez? Bon, passons. Alors avec Art Valor, c'est différent. Je vais être cash tout de suite. D'accord? L'artiste, on a vu, il crée, en travaillant sur ce rythme, 2 135 000 euros. En étant à 3 500, hein. Il y a des artistes qui sont beaucoup plus chers, d'autres qui seront un peu moins chers. 2 135 000 euros. Alors moi, Je lui dis, au lieu de fantasmer et de croire que tu vas les vendre à droite à gauche, ou que tu vas les vendre tout au long de ta vie en prenant le temps, elles vont moisir chez toi, etc. On va les vendre très vite. Par contre, on va te payer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins par toile. Mais par contre, sur la totalité, on va te payer beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et c'est ça qui fait la différence. Alors pourquoi on le paye beaucoup moins? Eh bien, tout simplement pour payer les artistes. Pendant que le matin, un artiste peint son tableau tranquille, en fumant une clope ou autre, en buvant un thé, en écoutant du jazz, hop, il se lève à midi, il roule du cul, il est tout content, il dit salut les gens à la fenêtre, comment c'est beau la vie, etc. Ben pendant qu'il fera ça, il y a un commercial qui se lève à 9 h du matin, qui a une famille à nourrir, qui a 5 clients à voir, faut qu'il se débrouille pour les voir, c'est super compliqué parfois d'en voir 5, de réussir à venir chez les gens, faut qu'il arrive chez les gens, qu'il soit sûr qu'ils aient d'argent, une fois qu'ils ont de l'argent, il faut qu'il leur fasse la vente. C'est tout un métier non-stop, c'est 12 heures, 14 heures par jour. Parfois le commercial travaillera plus que l'artiste lui-même qui en 10 secondes nous fera un Jack Pollock qui vaudra 3 500 euros. Vous comprenez? Alors vous allez dire oui, mais on est des artistes. Soyez, s'il vous plaît, un peu humble. Si vous l'êtes, vous allez voir, vous allez gagner une fortune. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Vos 2 135 000 euros, je le divise par 3. Une partie pour l'artiste. Alors, c'est tout. Une partie pour l'artiste, vous verrez pourquoi. Une partie pour le commercial. C'est normal, il va faire tout le boulot aussi. Vous êtes vraiment tous les deux à faire tout le boulot. Et une partie pour deux sociétés. Une qui recrute, forme, gère les ventes des commerciaux. Alors, si vous êtes capable de recruter 2 500 commerciaux dès demain, appelez-moi, d'accord? Moi, je ne pense pas que vous en soyez capable. Moi non plus. Donc, on fait appel à une société spécialisée dans la haute finance et dans la gestion de commerciaux. Donc, ça déjà, ça coûte très cher. Et aussi, une société qui sera spécialisée dans la spéculation. Alors, vous allez dire, je suis d'accord pour le commercial, mais les deux autres sociétés, moyen. Vous verrez. Chaque chose a un sens. Je ne pense pas qu'à l'artiste. Si l'artiste ne pense qu'à lui, qu'il continue, il ira chez les galeristes se faire renvoyer à la porte. Il ira faire ses expos dans des pizzerias à la con qui n'ont rien à voir avec l'art, en vendant un tableau une fois tous les 50 ans parce que le type a bu trop de champagne et qu'il est bourré et qu'il veut faire les pattes devant sa copine en achetant un tableau dans une pizzeria. C'est juste ridicule. Débrouillez-vous dans ce cas-là. D'accord? Si pour vous, c'est facile d'avoir 2 500 commerciaux, bah, recrutez-les, vous faites 40, vous les payez 10%. Mais les commerciaux, en les payant 10%, ils vivront pas, vous savez. Et c'est un vrai, vrai, vrai, vrai, vrai grand travail. Moi, ce que j'essaye de faire en convaincant les artistes de travailler pour un tiers, c'est aussi les convaincre non, les prendre avec moi, les artistes, et ensemble, de convaincre un commercial et 2 500 commerciaux et plus de se lever le matin et de faire des ventes en ayant des très bons résultats. Et ben ça, je vais vous dire, le commercial, vous lui donnez 10%, ah, il va plutôt vendre un appartement de temps en temps parce que c'est mieux. Par contre, vous lui donnez 33%, ah là, le commercial, il sait que sur 3 500 euros, il gagne quand même une bonne part. D'ailleurs, la part, est-ce que je l'ai calculée? C'est une erreur de pas. Voilà. Le commercial, à chaque fois qu'il vendra un tableau à 3 500 euros, bah, il gagnera, comme l'artiste, il gagnera 1 500 euros. Bah, comme l'artiste en fait un ou deux par jour ou un seul par jour, déjà, il gagne 1 000 euros. C'est comme si l'artiste, il s'imprimait son propre billet de banque. Il se lève le matin, il imprime son propre billet de banque de 1 000 euros, il le donne au commercial, le commercial le donne au client, le client donne les 3 000 euros. 1 000 pour l'artiste. 1 000 pour le commercial et 1 000 pour la société qui recrute l'artiste et la société qui assure la spéculation. Et vous allez voir, c'est un coup de génie. Et je peux vous assurer aussi que c'est ric-rac. C'est-à-dire que j'ai donné le maximum aux artistes en me disant je vais être raisonnable. Et j'ai donné le maximum aux commerciaux pour me dire bah voilà, il faut les motiver. Et toutes les deux autres sociétés, elles sont vraiment dans des logiques très ric-rac. Ça, c'est le premier tableau. Hélas, hélas, j'aurais voulu avoir tout de suite le salaire mensuel, mais je ne l'ai pas. Mais bon, je continue dans l'argumentaire. Comment faire en sorte que les artistes acceptent de travailler pour 33% uniquement, eh bien c'est très simple. Tout simplement parce que par an, ils gagneront 700 000 euros. Voilà. Après, vous divisez par 12 pour savoir combien ça vous fait par mois. Mais globalement, en étant sûr de dire à l'artiste de produire, de produire, de produire, en étant sûr que le vendeur vend, vend, vend, vend, vend, vend, vend, on en vend 610 minimum. Je suis dans un rythme où la qualité des œuvres est là, où il y a un temps de travail. Après, on peut prendre des assistants. Pourquoi? Parce que quand l'artiste, il a 704 500 euros juste avec la vente de ses œuvres, ben, c'est beaucoup mieux de vendre à 33% que de vendre de temps en temps à 60%. En plus, les œuvres sont collectionnées, collectionnées, collectionnées, collectionnées. L'artiste affine sa patte en produisant, en produisant, en travaillant, enfin, vous voyez. C'est pas déprimant de travailler quand on est sûr que qu'on vend. Et puis moi, je vais motiver les artistes derrière en disant hey, moi, il en faut 20 minimum, 20 œuvres minimum par mois. Au pire, tu fais que le matin, tu te lèves le matin, on t'a payé des grandes feuilles, de la belle encre de Chine, et tu nous fais un truc le matin, et ben t'es payé 700 000 euros par an. Ça vaut le coup. Plutôt que de dire, moi, je veux rester sur mes 60%, le galeriste à 40, c'est déjà beaucoup, etc. Non, il faut être un peu professionnel. Et là, c'est même pas être professionnel, c'est prendre d'avance tout le monde. Vraiment, je suis le premier à inventer ce système. Rien qu'en faisant ces enregistrements, je peux déjà le mettre dans mon article Wikipédia, tranquille, à inventer Art Valor et un système de vente moderne. À la fois patrimonial, à la fois la vente flash de Gagossian, et en plus la haute finance à la George Soros, quoi. Bon, donc on est complet, ok? Je vais donc passer à la deuxième diapo. Il faut que j'essaye de me calmer. Je suis un peu, vous voyez, très emporté, mais bisous.